bien 13h30 passées. Voilà donc eh bien, le retour avec l'accordéon. Et puis donc un petit bonjour aussi, un hommage à Michel depuis des années, qui faisait tout simplement l'accordéon à la radio Arc-en-Ciel. Voilà, on vient juste à l'instant puis entendre un titre de Jean-Diré Bailly avec la symphonie. C'est un titre que Michel aimait très bien, même l'accordéoniste qui s'appelle Jean-Diré Bailly. Et aussi qu'on va l'entendre plusieurs fois dans l'émission. Donc bien, le voici, Jean-Diré Bailly avec le cerf. Ils seront juste après lui. On écoutera deux morceaux de Bourré, parce qu'on sait très bien aussi que Michel aime bien la musique de Bourré. Et puis aussi, au cours de l'émission, il y aura quelques morceaux de sketch que Michel aussi aime aussi, avec tout simplement, vous verrez bien, au cours de l'émission. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec bien sûr l'accordéon de titre Bourré. We'll be right back. autre morceau de Jean-Marie Bailly avec son titre Les Amoureux, tout simplement, et bien de la fiesta. Et puis juste après lui, on écoutera Émile Corfia avec l'étoile d'Auvergne. Les garçons, chacun rêve sur le chemin de la maison. Pensant qu'un jour je sors enfin les images. Les cupidons veillent sur eux, bonheur brille dans leurs yeux. Les filles et les gars sont heureux. C'est la fiesta des amoureux, profitez-en. L'amour c'est doux, l'amour c'est bon, mais ça ne dure pas longtemps. On est tous contents car la vie n'a qu'un temps. Et des beaux souvenirs se font sur les 20 ans. On regrette toujours la saison des amours. Si on n'a pas le temps, profitez des beaux jours. Pour la jeunesse, la vie est un vrai paradis. Les ondes chantent lorsque paraissent les premiers cheveux gris. Alors si vous venez au bal, profitez-en, c'est bien normal quand on a 20 ans. Maman te dira, n'écoute pas les garçons. Même les plus beaux sont toujours des polissons. Mais surtout ne prends pas tout ça, jolie bambine. C'est une histoire inventée de nos générations. Mais je sais bien que l'avenir te le dira. Tu ne serais sûrement pas là si ta maman et ton papa te l'avaient fait bien avant toi. C'est la fiesta des amoureux, profitez-en. L'amour c'est doux, l'amour c'est bon, mais ça ne dure pas longtemps. Prenez tout du bon temps car la vie n'a qu'un temps. Et les beaux souvenirs se sont serrés d'un temps. On regrette toujours la saison des amours. Si on n'a pas à temps, profitez des beaux jours. Pour la jeunesse, la vie est un vrai paradis. Mais on déchante lorsque paraissent les premiers cheveux gris. Alors si vous venez au bal, profitez-en, c'est bien normal quand on a 20 ans.

et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Donc on reste toujours avec l'accordéon et puis donc avec Viens danser l'accordéon et puis suivi la folle musette. Allez danser, car l'amour nous attend pas. de faire l'ambiance, c'est toi qui gagne. Tout est refrain populaire. Comme le dénicheur, le chouchou, mon cœur, on traverse les frontières. Bravo, l'accordéon. Bravo, bravo, l'accordéon. Voici donc la folie. Musette, et puis juste après, un autre morceau de Jean-Dérise Amailly avec le titre La Cascade. Ce jour, le

passe par la Corrèze, prends le chemin du bonheur. Tu longeras les falaises, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Dans un petit coin de Brière, une étoile est pour toujours. C'est l'étoile des monnaies d'hier, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre, donc il y aura des jours. Une étoile dans la prière, c'est l'étoile des troubadours. Chantant l'étoile qui brille, quel beau serment d'amoureux. Et ces brières corréziennes en ont bercé les amants. Chansons nouvelles et anciennes, reflet d'un beau firmament. Dans un petit coin de brière, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des monnaies d'hier, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre, tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la brière, c'est l'étoile des troubadours. Voici donc, elle s'appelle tout simplement Claudie Musette avec Mon Val de Loire. Avez-vous déjà entendu la voix, noire de ses des brières et des clairs jeunesses? Connaissez-vous mon Val de Loire, ses sables d'or et ses coteaux, le beau décor de notre histoire qui se déroule autour de ses châteaux? Connaissez-vous mon Val de Loire, ses champs de blé dansant le vent et ses étangs couverts de moire comme endormis dans l'eau d'argent? Avez-vous déjà entendu la voix, grave de ses forêts? Je la garde au cœur avec la douceur des bruyères et des clairs jeunesses. Si j'aime autant mon Val de Loire, avec ses vignes et ses clochers, c'est qu'il est là dans ma mémoire, à mon enfance à jamais rattachée. Je me revois en blouse noire, loin sous les arbres tremblants, et plus tard au bord de Loire, me promenant au bras de mes 20 ans. Puis je suis parti loin de mon pays, croyant bien tout redécouvrir. La vie m'a Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Vosgien. Au petit bal vosgien. Voilà. Après, on ira faire un petit tour du côté des Berrichons. Ha ha ha! cassé la binette d'une drôle de façon. Car il faut pas qu'on promette les pieds dans le chiffon. Et dans sa voiturette, j'aurais pas l'air d'un con. Si vous aimez ma chansonnette et que vous êtes berrichon, vous êtes fier et honnête, ça change rien à cette chanson. Et la belle Antoinette a massué le bourdon, car elle tint sourde et muette et n'aime pas les garçons. Et quand l'accordéon se met à jouer, nous on est bien les plus heureux. Et quand le berrichon se met à jouer, ça va tout de suite. Et quand l'accordéon se met à jouer, ça fait un bon paquet d'envieux. Quand le berrichon se met à jouer, ça devient vite contagieux. Un amour de la femme. Voici donc juste après le Berry, voici donc la Grande Route, titre de l'accordéon avec Gaston Coulet. Et puis juste après lui, ce sera La Pourrie. Nous sommes les créneaux de fin, les baliguiers du grand chemin, ceux qu'on nomme les sans-patries, et qui mourraient dans leur boulet, n'importe qui ne peut te haïr, ceux dont on les dit sans pitié, et que sans connaître on redoute, sur la route. Nous sommes les clients de ces eaux, dans le procès et un peu partout, nous n'avons ni père ni mère, notre seul frère, c'est le chagrin, notre maîtresse est la misère, qui jase jusqu'à la fin, Monsieur nous guette et nous écoute. Nous ne connaissons pas les pleurs, nos âmes sont vidées, nos cœurs sont secs comme les feuilles mortes. Nous avons manqué notre pain, c'est dur d'aller nous refroidir au pote. Mais hélas, quand on a faim, il faut manger coûte que coûte. Sur la route, l'hiver d'aucun de nous fuiront dormir dans le fossé profond. Sous la pluie, les jeunes qui tombent, ce fossé-là leur servira. Que l'auberge de nier ne tombe, car au jour on les trouvera, double de froid, oui, bon, sans doute. Comme les crèves de faim, les bas du pied et les grands chemins, ceux qu'on nomme les sans-patrie, et qui montraient dans leur boulet, et l'infortune toute la vie, ceux dont on élit sans pitié, et que sans connaître on redoute, sur la grande route. Satan, a vu le monde qu'il y a qui était cher? Oh oui, quel grand gala d'accordéon! Quel denier qui zogue! En entre à tec, des affaires pète à la bourreille! Thank you. après André Verschuren, voici donc un autre morceau de Jean-Henri Bailly. Et juste après lui, ce sera la cabrette. Plus tard, mais avant, on écoute tout simplement eh bien, l'accordéon de Bruyère. Et juste après, Michel Pouvot. c'est dimanche et la vie n'est plus que chanson. Cette colombe de mystère est comme une étoile en plein jour. Sa ronde légère et familière apporte des chansons de train. Comme un arc-en-ciel, Una Paloma Blanca, qui tourne dans le soleil, nous a apporté le goût du bonheur et a fait lancer le fond de notre cœur. Elle vient caresser nos visages comme une goutte de rosée. Même si demain elle s'envole pour partir loin vers l'horizon, elle restera comme une aurore pour protéger notre maison. Nous a apporté le goût du bonheur et a financé le fond de notre cœur. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Tous un signe de paix. Elle porte en elle l'espérance et nous ne l'oublierons jamais. Una paloma blanca qui tourne dans le soleil nous a emporté le goût du bonheur et a fait lancer le fond de nos cœurs. D'amour. Les chansons mènent la danse, dansons jusqu'au petit jour. S'il advient que la fatigue pèse trop fort sur nos pieds, allons manger une figue là sous le figuier. Je sais que la fatigue n'est rien au petit jour. Viens danser la gigue pour bien parler d'amour. Avant que le jour ne vienne, accordez-moi un baiser. Dites oui quoi qu'il advienne et allons danser. Venez à la allons danser, tout contre moi, vous serez la plus belle. Venez Anna, allons danser, tournons, tournons, brisons-nous de baisers. Venez-y, tout contre moi, vous serez la plus belle. Venez, Anna, allons danser, tournons, tournons, brisons-nous de baisers. Tout simplement la bourrée des Vosges et puis juste après un air de Cabrette. formidable quand tu danses auprès de moi. Oh là là, j'ai de la chance quand l'orchestre joue pour moi. La vie c'est le rétro, rétro disco, son odeur si belle, tu te fais la vie belle. La danse c'est ta vie et tant pis, tant pis si tu m'oublies. Le rétro c'est la vie. Tu te fais la vie belle. La danse c'est ta vie. Et tant pis, tant pis si tu oublies. Le rétro c'est la vie. Deux orchestres le dimanche pour le bal et le rétro. Deux orchestres ici on danse. Une musette disco rétro. On va chez Marc et Céline. Y'a la joie, la bonne humeur. Au rétro, Marqueville, le sourire et le rigueur. La vie c'est le rétro, rétro disco. Sous l'eau des cibelles, tu te fais la vie belle. La danse c'est ta vie et tant pis, tant pis si tu m'oublies. Le rétro c'est la vie. Oh là là, ici on danse, tu m'oublies mais ça fait rien. Oh là là, c'est formidable quand tu danses auprès de moi. Oh là là, j'ai de la chance quand l'orchestre joue pour moi. La vie c'est le rétro, rétro disco, solo décibel. De la vie belle, la danse c'est ta vie et tant pis si tu m'oublies. Le rétro c'est la vie. Oh là là. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc le titre de l'accordéon, s'appelle tout simplement, eh bien, Mon copain, c'est l'accordéon. Et puis juste après, un autre morceau de Serge Berry. Tu as bercé toute mon enfance au son de l'amant de Saint-Jean. Et dans tous les petits bals de France, tu en as amené des dents. Après le Berry, avec donc Serge Berry, on écoutera un autre morceau de Jean-Désiré Bailly. Quand j'entends l'ambiance guinguette, ça me fait comme un petit frisson. De changer, ce serait trop bête, mais il n'en est pas question. J'y veux rien, j'aime les musettes. Mon copain, c'est l'accordéon. L'accordéon, quand j'entends l'ambiance guinguette, ça

Voilà donc bien Saint-Hubert avec Jean-Dirène Bailly et voici Josène du côté du Bourré. Et puis juste après, on écoutera avec Angélique la fête de la Bretagne. C'est un petit air de Musette avec Thierry Monico. Et puis juste après lui, ça sera tout simplement le Ténance.

J'avais 20 minutes d'enfance et pourtant je l'aimais bien. Elle m'a laissé en plan, partie avec un copain. Mais je garde l'espérance de trouver un beau matin. Avec un tout petit peu de chance, une commune qui m'aimerait bien. Moi je cherche un cœur qui voudrait le bonheur, qui veut me comprendre. Je donnerai mon cœur à une âme sœur qui voudrait le prendre. Je ne suis pas riche, mais je m'en fiche, je chante mon refrain. Je n'ai qu'un petit bien, mais une île au tien, ça fait un grand bien. Je ne suis pas riche, mais je m'en fiche, je chante mon refrain. Je n'ai qu'un petit bien, mais une île au tien, ça fait un grand bien. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Se quitter bien sûr, et avant de se quitter, voici donc tout simplement, et bien demain, nous serons déjà lundi, et à partir de 7h jusqu'à 9h, vous allez retrouver Funky au réveil, et puis juste après, entre 9h jusqu'à midi, avec Jean-Pierre, avec l'émission Vers Matin, et puis en soirée, à partir de 19h30 jusqu'à 21h30, avec Manu, l'émission On the Rock, et puis juste après lui, entre 21h30 jusqu'à 23h30, avec Rémi, le tout simplement le sport, avec la rédac du sport. Voilà, donc j'espère que cet après-midi l'accordéon vous a plu, donc on va se retrouver prochainement. Donc voilà, donc on va terminer l'émission avec plusieurs titres tout simplement de Jean-Désiré Bailly. Voilà donc, et ben je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes.